On va parler de cyclisme avec notre ami Victor Véron. On va faire un peu le bilan. Évidemment, la saison estivale est pas mal finie. La saison est automnale, quoi qu'il en soit. Ben, on va faire le bilan de la saison avec Victor Véron. Salut Victor. Salut! Victor, content de ta saison dans l'ensemble? Oui, j'ai eu quand même un début de saison correct. Puis je pense que je suis allé en pente ascendante jusqu'à la fin de saison. Puis j'ai conclu là, avec des gros résultats. Fait que OK. j'ai terminé ça vraiment. Là, je suis vraiment content de ma saison finalement. Y a-tu une course qui te satisfait plus que d'autres dans ta saison? Ben, en particulier, là, mon point favori, ce serait justement les championnats canadiens qui OK. ont lieu là, la fin septembre à Baie-Saint-Paul. J'ai terminé deuxième là. Oh, OK, championnat canadien. J'ai. Donc, OK, c'est bon ça, c'est très très Ouais. bon là, ça. Ouais. Est-ce que Fait que le fait que deuxième Canadien. tu connais la piste, ça t'a donné un coup de main? Pas comparé aux autres. T'sais, on la connaît toutes. Vu que je suis pas natif de Baie-Saint-Paul, par exemple, là, fait que, t'sais, je OK. la connais pas plus qu'un gars qui est de Vancouver, par exemple. Ah, Je suis allé rouler OK. autant qu'un gars Parce... qui vient rouler pour la Coupe Canada, là. Fait OK, que. donc t'as pas roulé plus qu'un autre parce que t'es proche, là. Non, Bon. effectivement, c'est ça. J'arrivais, mettons, 4 jours à l'avance, mais OK. sinon. Ce que la plupart du monde ont fait là, justement, vu que j'étais le championnat canadien, Donc, mais j'avais pas d'avantage c'est terrain. quelque chose de vraiment satisfaisant quelque part, là, parce que si t'aurais été un peu comme chez toi, ça t'aurait aidé, là, ça aurait pu justifier ça, mais là, donc c'est encore plus méritoire, là. Non? Oui, effectivement. Puis c'est pas que mes autres résultats de la saison n'étaient pas comme ceux-là, mais j'attendais, on dirait, cette course-là. Je le savais que mon potentiel était plus haut un peu que les résultats que j'avais faits durant la saison. Puis je pense que c'était la course là, qui m'a permis de vraiment montrer mon potentiel, puis justement de savoir de montrer ma forme là, à quel niveau que j'étais. OK. Donc, c'était bon. En Europe, ça a-t-il été quand même satisfaisant? En Europe, au début de l'année, je pense que j'ai arrivé avec un petit manque de préparation peut-être. OK, à cause de la COVID? À cause de la COVID un petit peu, puis l'entraînement, j'étais peut-être pas encore en période de compétition, puis on a comme fait des compétitions, fait que le corps, la première Coupe du Monde, c'était comme ma première course de l'année en 2 ans, fait que le OK. corps était comme pas prêt, gros choc, Ça part, ta mais maladie n'a pas rapport là-dedans, là. Ça n'a aucun rapport. non, plus vraiment rendu là, mais OK. c'était plus là, justement le COVID qui a pas eu de course ou presque internationale là, pendant 2 ans, là, fait que c'était ma Ouais. première course internationale en 2 ans, OK. en plus d'être la première de la saison, fait Puis que vous autres, c'était les un bon athlètes, choc. vous avez quand même été. Vous y avez goûté, là. Oh, oui. Comparativement à d'autres. Il y a d'autres. Dans d'autres pays, c'était pas ça, là. Il y en a qui Non, étaient ça, c'est beaucoup ça, plus c'est ça. avancés que ça, là. Exactement. Surtout qu'au Canada, les courses ont été arrêtées, tandis qu'en Europe, je sais que les courses ont continué. Il y en a qui faisaient Ouais. des points, alors qu'ils s'est tout arrêté. Fait que ça a été un peu d'inégalité là-dedans, mais Ouais. c'est mondial. Fait que c'est comme un peu dur de faire pas bouger les choses. OK. Dis-moi si là, il se passe quoi avec toi, là? Là, tu es de retour à Saint-Félicien, tu chauffes des autobus que tu me disais. Oui, Donc, ça, c'est ta exactement. deuxième job. Ben, ta première, mais en réalité, c'est quasiment Ouais. ta deuxième aussi, là. Ouais, c'est plus ma deuxième quasiment, parce que je fais Ouais. plus de vélo que je chauffe d'autobus. Ouais. OK, donc là, il se passe quoi, là? J'imagine que tu fais beaucoup de gym. Tu t'en vas, j'imagine aussi, à Toboski, t'entraîner pas mal. C'est ça? Ouais, exactement. Ben là, ça, plus tranquille, là, je suis arrivé là, mi-octobre environ, mon dernier voyage, comme à cause du COVID encore, la saison avait comme été retardée. OK. Fait que, on a fini la saison mi-octobre, ça veut dire que là, tout de suite en revenant, j'ai comme commencé un break. Puis là, je recommence là, justement cette semaine, là, les entraînements un peu plus intensifs. J'avais pris ça plus mollo, j'y allais pour le plaisir. Puis C'est tandis quoi que là, je le vais du gym? recommencer Beaucoup de récemment. gym de cardio, j'imagine? Ouais, c'est ça. Là, vu que là, c'était tranquille, je faisais du vélo juste à ma guise. Tandis que là, je vais recommencer là, dans le gym, OK. vélo, du vélo stationnaire, fat bike aussi, là, s'il peut y avoir un petit peu de neige, là, fait que. OK. Dis-moi, le gym, ton entraînement, c'est en pourcentage, c'est combien à peu près? 20%, 30% en Ben, gym? mettons, je dirais que c'est un 2 jours semaine. Fait que sur 7 jours, OK. mettons, là, t'sais, je vais faire environ 4 à 5 jours de vélo ou un de repos, puis environ 2 jours de muscu, là, normalement, par semaine. OK. Ouais. Donc, c'est pas mal. En période Ouais. hivernale, seulement. OK. Dis-moi, après ça, j'imagine, est-ce que tu retournes en Floride? Est-ce que tu. Là, présentement, je suis en préparation. On est en train de booker, là, un camp en Californie au mois OK. de janvier. OK. 3 semaines au mois de janvier. Fait que pour l'instant, c'est ça. Puis après ça, peut-être un autre projet là, en Arizona là, au Pour mois de mars. travailler en attitude, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, ça va être en vélo de route là, en Californie. Puis ça va être de la longue distance puis de l'endurance. OK. Est-ce que au Colorado, des places comme ça, est-ce que tu vas ou dans l'Ouest, tu vas t'entraîner à cause de l'attitude? Mais ça, c'est quelque chose qu'on garde? Ça pourrait être avantageux, mais il faut quand même aller à une grosse altitude. Puis souvent, dans l'altitude, en hiver, ben, il va faire plus froid. Fait que là, il faudrait se trouver à aller en Hawaï ou ben, des places vraiment au sud qui coûtent plus cher, même non envisageable, là, tu sais. Fait que c'est plus difficile à ce moment-là. Ben Victor, on va se reparler un autre tantôt. On va se reparler quand tu seras en Californie ou à quelque part de même pour voir comment que ça va. Yes, c'est numéro 1. Notre ami Victor Véraud, qu'on faisait un petit peu le bilan de sa saison du côté du cycle.